الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Donc continue l'explication de Al-Wasiyat al-Sughra. Cheikh Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. جاءتني بالأمس بعض تساؤلات حول موضوع الحد والتوبة. Certains frères, hier, ils ont une ambiguïté par rapport à la sentence et par rapport au repentir. Tout simplement pour clarifier, c'est que la personne qui va faire la tawba, donc on se rappelle la parole de Ibn Munzir, alladhi haka al-ijma' anna al-ulama ajma'u anna al-tawba la tusqit haddan min hududillah. C'est-à-dire donc que la tawba, elle ne dissipe pas, elle n'est pas la cause de la non-application d'une sentence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne, à titre d'exemple, elle a tué une autre personne volontairement, et une fois donc qu'elle l'a tué, la sentence doit s'appliquer sur lui. Taïeb. Lui, il va faire tawba pour cet acte-là. Il fait tawba, sincère. Il revient à Allah Azzawajal avec les conditions qu'on a citées. Cette tawba, elle est acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, malgré cela, on doit lui appliquer la sentence. C'est ce que ça veut dire. Tayyib. Donc la tawba, elle n'est pas la cause de la non-application de la sentence. C'est ce que cela veut dire. Et si la personne ne fait pas tawba, mais que la sentence y est appliquée, bien entendu, cela va de soi, c'est lorsqu'on vit dans un pays musulman, et que dans ce pays, le code pénal, il a appliqué la loi musulmane. Taïb. Donc, s'il n'a pas fait tawba, mais que la sentence lui est appliquée, alors il faut savoir que la sentence en elle-même, elle had ou kafir. C'est-à-dire qu'elle had, il va lui expier le péché qu'il a fait. كما ثبت عند النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم. Donc voilà, c'était simplement pour répondre, pour bien comprendre la relation qui est entre la tawba et la sentence. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من حديث أبي سعيد رضي الله عنه فتتبعن سنن من كان قبلكم حدو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ هذا خبر تصديقه في قوله تعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا. ولهذا شواهد في الصحاح والحساب. وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة. فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلى به بعض المنتسبين إلى العلم، وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلى به بعض المنتسبين إلى الدين، كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم نزله على أحوال الناس. وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس. لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، فيرى أن قد ابتلي ببعض ذلك. فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات، وهو اتباع السيئات الحسنات، والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات. طيب. Donc hier, on a parlé de al-mukaffirat, ou al-kaffarat al-muqaddara, ou al-mutlaqa. Qui c'est qui nous donne un exemple par rapport à al-kaffarat al-muqaddara? Les expressions déterminées. Qui c'est qui nous donne des exemples? Woman wama ma'ajnas, c'est-à-dire quels sont les jars de ces expressions? الجماع في رمضان مطلقا كذا في النهار اي نعم هذه ما هو الكفاره المقدره هنا اعتاق رقبه ايوه صوم شهرين متتابعين لم يزيد واطعام سكان اي نعم jusqu'à que la personne qui était venue le sahabi qui était venu voir le prophète صلى الله عليه وسلم Il lui a dit qu'il ne pouvait pas jeûner durant les deux mois. Car, comme on a dit, c'était quelqu'un qui était fort, qui avait un besoin. Taïb. Et lorsqu'ensuite, il lui a dit de faire le sadaqa, il a dit qu'il n'y avait personne là où il vivait qui était plus pauvre que lui. Alors il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on apporte des tamres, c'est-à-dire donc des dattes. Et cet homme-là, donc, il est venu pour expier son péché, il est reparti, mashallah, il a expié son péché, il est reparti donc avec, il est reparti avec quoi? Avec de la nourriture. C'est pour ça, il y en a que le prophète, il a ri. À la kulli hal, ça c'est un exemple, nam. Wa, qui c'est qui nous rappelle ce qu'est al-dhihar? Al-dhihar. On a parlé de ce qu'était al-dhihar. C'est quoi? C'est une pratique qui avait anti-islamique et qui disait que les gens qui disaient à leur femme tu m'as interdit comme le dos de ma mère et donc c'était une façon de divorcer. Non. Et ensuite qu'est-ce qu'il a devenu dans l'islam? L'islam l'a interdit. Yani hukmu haram. Non. Fa alladhi ya'malu bihi ya'tham. C'est-à-dire celui qui va le faire, il rentre dans un péché. Mais, est-ce que c'est pris en compte ou pas? Naam, c'est pris en compte. Et c'est quoi le kaffara? Al-muqaddara? L'expiation, c'était 2 mois de jeûne et 60 personnes. Naam. Yani, c'est la même que pour le mujami' à Ramadan, sahih. Ensuite, on a vu pour ce qui était de takfir al-dhunub, al-sara'ir ou al-kabayir. Qui c'est qui peut nous donner un résumé de ce qu'on a vu avec les divergences? Allez, quoi, on a un qui a dit qu'il y a un qui a dit Pour ce qui était des petits péchés et des grands péchés, qu'est-ce qui annule ou qu'est-ce qui expie les petits péchés et les grands péchés? On avait parlé sur cette question qui est importante à savoir pour le musulman. Savoir faire la différence et de savoir qu'est-ce qui expie quoi. Ça? Il y a de faire des bonnes actions pour effacer les mauvaises actions. Mais donc on a la nia ici de faire la bonne action pour expier la mauvaise action. Et on avait dit que c'était l'anfa, c'était le plus profitable de faire ce qui était munasib li jins adhamb, yani, si on peut l'appeler comme ça. C'est-à-dire que si la personne qatara al-rahim ou silat al-rahim, il doit renouer, etc. Là-qu'il on a parlé d'une question qui était en rapport avec les petits péchés, les grands péchés. Qu'est-ce qui va dissiper ou annuler ou expier les petits péchés et les grands péchés? On a parlé, on a vu qu'il y avait une divergence chez les savants. Qui c'est qui peut nous résumer cela en apportant les preuves? Tfaddal. La tauba. Et la tauba? Naam. La tauba, on l'a vu, Taïb. On avait expliqué que les grands péchés sont effacés par la Touba. Non. Et que l'Istighfa, il peut même effacer les grands péchés. Et ça, c'est l'avis de Ibn Taymiyyah. C'est son avis. Et les gens du hadith, et la preuve, c'est que il y a des hadiths qui disent que. Il y a des savants, ils ont dit on a un verset du Coran, on a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qu'on a cité hier. Qui c'est qui nous rappelle ce qui a été cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Naam. Ma hou. On a parlé d'un hadith qui est plus simple avant. Le hadith muttafaqun alayh. Là, c'était une question à part. Il faut revenir à l'essentiel. Ça, c'est une question que je vous ai donnée, tout simplement, une ambiguïté qui avait été citée par certains, et les savants, ils ont répondu à cette question. Je sais, c'est le hadith qui veut dire, le frère. Mais il y a quelque chose de plus simple avant. Yani, lorsque le frère, il a dit, l'istighfar, il peut même yani, être la cause de l'effacement des grands péchés. Mais ceux qui ont dit que non, et qui ont dit qu'il faut la tauba, la vie du Jumhur, ils ont dit la Buddha minat Tawba, l'il Kabayar. Taïb, yani li takfir al Kabayar. Qui est au kafir al Kabira, la Buddha minat Tawba. Donc il faut automatiquement que tu viennes avec une Tawba, c'est celle qui va faire partir, qui va effacer le grand péché. Ils ont pris quoi comme preuve? C'est ce hadith. Le hadith est le verset. La parole d'Allah, voilà. ما أذكر أين الآية بس إيش؟ لا ما ذكرنا هذه الآية بأمس. صحيح لكن هذا ليس بكبيرة. لأن الأنبياء لم يقعوا في الكبائر لكن فقط في الصغائر. هذا من مثال ممن وقع في الصغائر. طيب لكن ما يعتبر من الكبائر؟ الأنبياء لا يقعون في الكبائر les grands péchés ou ils tombent pas également dans, et si c'est un péché considéré comme un petit péché, ça ne touche pas la révélation. In tashtanibu. طيب هذه الآية. Et maintenant le hadith qu'on a cité. نعم. Lakin c'est pas notre question ici. Notre question c'est la preuve que les grands péchés, on a laissé un dalil. Ce que tu as cité, toujours qu'on rapporte une preuve, il faut le dilala. Il faut un aspect argumentatif. Ici, ce que tu as cité, ça ne prouve pas que les grands péchés ils vont être effacés par ce hadith. Il y en a un où on dit les ulama, c'est le sagair. C'est le sagair. Mais le kabair. Le hadith, avant الحديث في اللفظ في اللفظ الحديث من فعل كذا وكذا الدعاء لا الصلوات والسلام نعم تفضل لا الصلوات والسلام لجمع Je demande simplement le hadith qui prouve que, ou ceux qui ont pris comme preuve, qu'en réalité, le tawba, elle est obligatoire pour les grands péchés. Le hadith. Salawat al-khamsa. Bas. Salawat al-khamsa, al-jum'at ila al-jum'a. Ramadan. Ramadan ila Ramadan. Mukaffiratun. Lima. بينهن طيب ما اجتني بالكبائر يعني les cinq prières la prière du Jumu'ah jusqu'au prochain Jumu'ah le mois du Ramadan jusqu'au prochain Ramadan طيب ça expie les péchés tant qu'on s'est écarté des grands péchés ما اجتني بالكبائر tant qu'on s'est écarté des grands péchés donc ça c'est une preuve qu'ils ont pris les savants طيب donc ils ont pris le verset du Coran ils ont pris ce hadith Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah wa ta'ifatu min al hadith comme dhakarou ibn Rajab, ils ont dit la hatta al-kabira qad tukhfar bidun tawba. Ils ont dit sans même tawba. C'était quoi la preuve en fait? Ils ont rapporté quoi comme preuve? Un homme qui est devant le prophète, la prostituée, non? C'est pas le C'est pas le tueur là, qui avait tué 95 personnes et parti vraiment après la. J'ai dit ça hier. Non, j'étais pas là hier. Yani, il a rapporté le shir de façon générale beaucoup de hadiths en fait. C'est simple. Il rappelle tous les hadiths qui disent celui qui fait cela ou qui fait cela, ses péchés sont pardonnés. Donc on a rappelé le hadith par rapport au jour de Arafat. On a rapporté le hadith que tu viens de citer, etc. Taïb. Donc ils ont dit ici, la première chose c'est que c'est surérogatoire. C'est des actes qui sont surérogatoires. Alors ce qui est cité dans le hadith, inishtuni batel kabayer, c'est pour les obligations. Sah, inno salawat al-khamsa, al-jumu'a ou ramadan, tout ça c'est obligatoire. Alors que les hadiths qui sont venus après, c'est des actes qui sont surérogatoires, comme arafa, comme dire subhanallah ou bihamdi, etc. Taïb. Tout ça c'est des actes surérogatoires. Et la conséquence de cet acte-là, ou la récompense, comme il est cité, « Rufila lahu ma taqaddama min dhambi »« Ou rufila lahu sanatain »« Sanatain na'am »« Ou kama qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam » Donc maintenant, Inch'Allah, c'est clair pour cette question-là. Taïb. Ensuite, le shir, il va rappeler. Donc on a parlé également de ce qu'il est advenu dans cette communauté. Et on a dit que dans cette communauté, il y a des actes de jahiliya qui sont pratiqués et qui continueront d'être pratiqués. Des actes de jahiliya. On avait cité également des exemples par rapport à cela. Et on avait également rappelé que même certains gens de science ou même certains ubbed, il y en a des gens qui sont des gens de l'adoration, ils tombent dedans. Où ils sont touchés par cela, comme nous l'a rappelé Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, et déjà de son époque. Et ensuite, il va citer donc ce hadith pour nous prouver plusieurs choses qu'on va citer, et qui est le hadith qui est, bien entendu, muttafaqun alayhi fi sahihain, un hadith Abi Sa'id al-Khudri, radiallahu ta'ala anhu. Et c'est ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que cette communauté, elle va suivre ceux qui sont avant elles, qui vont suivre les mauvaises habitudes, les mauvaises choses de ceux qui sont avant elles. La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Tayyib. Hadhwa al-qudhati bil-qudha. Qu'est-ce que veut dire ce terme-là? C'est-à-dire qu'on va suivre les gens, les communautés qui nous ont précédés, dans bien entendu leur dalal, dans leur égarement, dans beaucoup de leur égarement. Qu'est-ce que veut dire al-qudha? Al-qudha, comme l'ont expliqué les savants, c'est la flèche, ou plus précisément, les plumes de la flèche. Donc vous savez que la flèche est là debout, taïb, et les deux extrémités, c'est donc la lance, donc la partie qui est en fer, et la deuxième, c'est les plumes. Les plumes qui sont donc raccrochées en fin d'extrémité de cette flèche. Donc ces plumes-là, c'est ce qu'on appelle al-khudba. Donc regardez l'exemple, il est fort, qui est donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car on voit en fait que ces plumes, elles se suivent les unes des autres. Taïb. Et que même si on la lance, yani chacune, elle suit l'autre. Elle ne se détache pas. Taïb. Donc c'est pour ça qu'il a donné cet exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le ma'na, yani, hadhu al-qudhati bil-qudha, yani, fa'ala mithl fi'alihi. Comme la personne qui a fait la même chose que celui qui l'a précédé. Hatta law dakhalu hujra dabbin la dakhaltumu. C'est-à-dire même que si ils rentrent, ces gens-là, ils rentrent donc dans un terrier d'un gros lézard, les gros lézards qui se trouvent donc dans le désert, cet exemple qui est donné à Bob, alors vous allez faire la même chose. Yani ici, c'est un exemple. Et c'est une image qui est donnée pour prouver que cette communauté, malheureusement, elle va suivre dans beaucoup d'égarements les communautés qui ont précédé. Ce qui est en relation avec les innovations, et ce qui est en relation également avec les shahawat, comme on va l'expliquer, inshallah. Les sahaba, ils ont questionné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont voulu savoir qui étaient ces communautés qui ont précédé, et ces communautés, donc, que l'on va suivre. Et lorsqu'on dit que l'on va suivre, ça ne veut pas dire que tout le monde va suivre de cette communauté, tout le monde va suivre. Taïb. Car il reste, on sait, dans cette communauté, une ta'ifa, un groupe qui est dit le groupe sauvé. Al-ta'ifatu al-mansura ou al-firqatu najia. Comme cela est venu dans beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui nous prouve donc que ça ne veut pas dire que toute la communauté est sur cela. Mais qu'une grande partie de la communauté, malheureusement, est sur cela. Donc il faut bien comprendre qui ça touche, et que ce n'est pas tout le monde. Et ils ont dit, Qalu ya Rasulullah, Yahoud wa Nasara, c'est-à-dire qu'ils ont posé la question, est-ce que ce sont les juifs et les chrétiens, car ce sont eux qui ont précédé donc notre communauté de manière temporelle. Et il va dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, famen, yani qui? Ce qui veut dire qui si ce n'est pas eux? Yani yada istifham inkari, famen, tayyib. Donc ça voulait bel et bien dire que ce sont les juifs et les chrétiens. Et en y dans leur égarement, beaucoup de cette communauté vont les suivre dans leur innovation qu'ils ont eux suivi auparavant, dans leur égarement, dans également dans leur désir, leur shahawat, etc. Wallah al-musta'an. C'est pour ça donc qu'il dit Adha khabaru tasdiqihi fi qawlihi ta'ala. Et il va nous citer un verset du Coran qui en réalité met en évidence dans quoi ils se sont égarés. Beaucoup de gens de cette communauté se sont égarés et ils ont suivi donc les actes de ceux qui les ont précédés. Dans quoi? Et en réalité ici, ça va être donc une explication de ce qui est du verset. Il nous rapporte la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَاسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَابُوا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَابُوا. Hada fi surat at-tawba. Et donc, qu'est-ce que veut dire ce verset? Tayyib, qu'est-ce que veut dire ce verset? L'explication de ce verset donc, c'est ici al-istimta' qui est le fait de jouir. Wal-khalaq, ça veut dire al-hadd, c'est-à-dire donc une part. On traduit donc par une part, comme un lot, etc. فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ. Donc, vous avez eu votre part de jouissance. كَمَاسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ. Comme ceux qui vous ont précédé également, ils ont jouissance d'une part. D'une part de quoi? Donc de ces désirs, de toutes ces shahawat. Ici, ma'na, وَالْقَسْتُنَا c'est shahawat. Comme on l'avait expliqué auparavant, on avait vu que dans le Coran, il était cité deux sortes de marad, ça, deux sortes de maladies. Et parmi ces deux sortes de maladies, il y avait la maladie qui touchait donc al-shahawat et la maladie qui touchait al-shubuhat ou al-shukuk. Wallah al-musta'an. Et donc ici, la première partie du verset, c'est ce qui concerne donc al-shahawat. Il y en a beaucoup de cette communauté, ils vont faire comme ont fait les chrétiens et les juifs, ils vont tomber, wallah al-musta'an, dans tout ce qui est al-shahawat, al-muharrama. Et ils vont les suivre comme eux ils ont fait. Et c'est ce qu'on peut voir de nos jours. Des gens qui sont tombés, mustariqoun, Mustaghriqun fi shahawat, wallah al-musta'an. Donc ça c'est la première partie du verset. Et la deuxième partie du verset, wa khudtum kalladhi khadu. Wa khudtum kalladhi khadu. Et donc la deuxième partie, ici on va rentrer dans ce qui est ash-shubuhat. Ash-shubuhat. C'est-à-dire que vous allez parler sur la religion sans science, avec égarement, sans preuve à l'appui de ce que vous avancez. Donc la deuxième partie du verset, ça concerne quoi? Ash-shubuhat. Et dans les shubuhat, bien entendu, il rentre la suspicion, il rentre les doutes, il rentre les innovations. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a réuni les deux types d'égarements qu'on va retrouver dans la communauté. Et c'est ce qu'on voit. On voit des gens, soit des gens qui sont très éloignés du din, de la religion, qui vivent fi shahawat, et on va trouver d'autres gens qui sont dans la religion, mais qui sont à la réelle il-huda, qui ne sont pas sur le droit chemin, et qui suivent les innovations, qui ont une croyance qui n'est pas valable, etc. Et donc, c'est ce qu'ont fait auparavant les juifs et les chrétiens. Et ils se sont égarés à partir de cela, à partir de ces deux principaux mots, ils se sont égarés. C'est les bases, en réalité, de l'égarement ici. Et donc, cette communauté, elle a fait pareil. Mais la différence qu'il y a entre cette communauté et les communautés précédentes, c'est qu'il va rester, min fadlillah azza wa jalla alayna, contrairement aux juifs et aux chrétiens, qui eux, ils sont tous restés dans l'égarement et qui n'ont pas suivi bien entendu le prophète, c'est qu'il va rester une partie de cette communauté qui sera sur al-haq, qui sera sur al-huda, tayyib. Et comme cela est venu dans beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme on a déjà développé cela dans des cours précédents qu'on a fait ici. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضر من خذلهم. يعني il va rester une communauté qui va être appuyée d'Allah Azza wa Jal, qui va être sur le al-haq. Et ça, bien entendu, ce sont d'abord les savants. ورثة الأنبياء, ceux qui ont hérité de la science des prophètes. Ce sont eux donc qui vont être la cause, une fois d'Allah Azza wa Jal, de par la grâce d'Allah Azza wa Jal, qui vont être la cause que cette communauté, qu'une partie de cette communauté va rester sur la vérité, à l'al-haq. Et il est plus qu'évident que le prophète Sussan nous a rappelé que les juifs et les chrétiens, ils se sont divisés en plusieurs sectes auparavant, et que cette communauté également elle va se diviser, mais qu'il restera un groupe, qui est le groupe sauvé, al-firqatu najia, tayyib, et comme cela a été déjà développé, comme on l'a dit dans des cours précédents. Donc on voit la relation et le rapport de similitude qui est entre le verset et le Coran, entre parfois le verset et le hadith qui était cité par le shir. Et ensuite le shir il va nous dire que cela malheureusement est arrivé dans beaucoup de gens, est arrivé auprès de beaucoup de gens, et même al-khassa, il veut dire par là al-khassa, même ceux qui ont étudié la religion, qui ont fait des études, etc., qui sont peut-être des gens de science, mais des gens de science, malgré leur science, ils ont ces innovations, ils ont ces croyances ou des croyances qui sont faussées, qui sont contraires au Qur'an et à la Sunna, que ce soit dans les noms et dans les attributs, que ce soit dans les questions de l'Iman, etc., avec toutes les sectes, bien entendu, qui sont apparues dans l'islam. Et c'est pour ça qu'il va nous rappeler une parole. Il nous dit « كَمَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ مِنْهُمْ إِبْنُ عُيَيْنَا » Donc Soufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran Mawla Bani Hilal. Ça, c'était un grand savant, un des grands savants du hadith, wa min rijal as-sahihain. C'est un des rapporteurs qui se trouve dans les deux authentiques, yani l'authentique de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim, Abu Muhammad. Il était considéré comme muhaddith al-Hijaz fi zamanihi. C'était donc le muhaddith par excellence dans le Hijaz, dans la partie du Hijaz à son époque. Et il est mort en l'an 199, rahmatullah alayh. Il va nous citer une parole, Ibn Uyayna, et cette parole a été également dite par d'autres salafs, et qui est la suivante, c'est une parole qui se trouve dans Tabaqat al-Kubra, Ibn Sa'd. Il nous dit, Ibn Uyayna, « Man fasada min ulama'ina fafihi shabahun min al-Yahud, wa man fasada min ubbadina fafihi shabahun min al-Nasara. » C'est-à-dire, ceux qui ont dévié, al-fasad, la déviation, l'altération, etc. Yani ceux qui ont dévié, qui sont rentrés dans le fasad, min fasada min ulama'ina, fa fi shabaun min al-yahoud. C'est-à-dire que ceux qui ont dévié parmi nos savants, parmi les savants, c'est-à-dire ceux qui ont de la science, alors ils ont une ressemblance avec les juifs. Pourquoi cela? Parce qu'on sait que les juifs, la vérité leur est venue, et la science leur est venue, mais ils ne l'ont pas pratiquée, et ils l'ont mis de côté, et ils l'ont même caché. Taïeb. Donc ça, c'est donc la similitude qu'il va y avoir entre ces gens de science qui sont présents dans l'islam et Al-Yahoud. C'est tout simplement ceux qui n'ont pas travaillé, qui n'ont pas appliqué leur science. Ou alors encore, qui ont fait des fatwas qui étaient contraires à ce qu'ils savaient. Ceux qui ont propagé une science qui n'est pas correcte et qui est contraire au kitab ou à la sunna. Donc ces gens-là, ils n'ont pas appliqué leur science. C'est pour ça donc qu'ils ont été comme ceux qui sont cités dans Al-Fatiha, Al-Mardoubi Alim, c'est-à-dire donc ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite il dit, ومن فسد من عبادنا. Ici l'ubbad, c'est ceux qui ont un haut niveau d'adoration. Il y a des gens, c'est des ubbad, ils ont un grand niveau d'adoration. Autant dans leur prière, autant dans leur jeûne, etc. Dans la lecture du Coran, etc. Ces gens-là, ils ont un grand niveau d'adoration dans la pratique. C'est pour ça qu'on les appelle ubbad. Il y a ni des adorateurs, des ascètes. Taïb. Ces gens-là, parmi eux, yani parmi ceux qui ont dévié de cette catégorie de gens, alors leur déviation, elle est semblable à la déviation de qui est Nasara. Car Nasara, hum amilu, c'est-à-dire ils ont fait des actes, mais des actes qui n'ont pas d'origine dans la science authentique. C'est-à-dire donc que leur acte n'est pas en accord avec la science authentique. Donc ils se sont égarés. Ils ont fait des actes avec ignorance. Et ici donc, on les appelle al-ubbad. Et la ressemblance, ou alors ceux qui rentrent dans cette catégorie de gens, ce sont, comme l'ont cité beaucoup de savants, à titre d'exemple, al-khawarij, ou al-sufiya. C'est-à-dire al-khawarij, la première secte qui est sortie en islam, Taïb, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc cette secte-là, ils ont été comprendre des versets du Coran suivant leur compréhension, avec ignorance. Alors que le prophète sallam, de par sa nubuwa, donc de par sa prophétie, il avait informé de leur venue et qu'ils allaient apparaître dans cette communauté. Lorsqu'il les a caractérisés, qu'il a donné leurs caractéristiques, alors il a rappelé que c'était des gens d'adoration. Que même si nous on regardait yani, et ici yani, il parle aux sahaba, il disait que même si vous regardez ou vous comparez votre prière avec vos prières, il y a une grande différence dans la pratique. Taïb. Mais ce qu'ils lisent du Coran, ça ne dépasse pas, ça ne dépasse rien de leur compréhension. C'est-à-dire qu'ils lisent avec Yannil Marna, ils lisent sans compréhension. Ils ont une mauvaise compréhension. Ils ont du djihl. Et donc ici, c'est une preuve qu'il y a eu deux catégories de gens et que cette déviation, elle a apparu dans ces deux catégories. Et ces deux catégories, on retrouve donc ces déviations dans les communautés qui ont précédé. C'est pour ça qu'il nous a rappelé donc la parole de Ibn Uyayna et d'autres salaf aussi. Et donc, il a rappelé فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ أَحْوَالِ الْيَهُودِ قَدْ يُبْتُلِيَ بِهِ بَعْضُ الْمُنْتَسِبِينِ إِلَى الْعِلْمِ. C'est-à-dire, il y a beaucoup donc de gens qui ont été touchés, qui ont été éprouvés parce que ont été éprouvés al-yahoud. Et il dit bien al-muntasibin ila al-ilm, à la science. Et les autres, al-muntasibin ila al-din, eux, ils ont été touchés donc par ce qui a été touché par les chrétiens, al-nasara. Comme ceux qui vont voir, donc comme ceux qui comprennent réellement la religion de l'islam, qui avancent dans l'islam avec preuve du Coran et de la Sunna, ils vont s'apercevoir donc que cela est contraire à ce qui est réel dans la religion. Wallah al-musta'an. Et qui va donc s'apercevoir du fossé qu'il y a entre ces gens-là et entre la réalité du wahi, entre la réalité de la révélation. Il va nous rappeler le shir, donc que celui qui est comme cela, ou alors l'état qui est comme tel, ou idha kana al-amru kadhalik, c'est-à-dire l'état qui est comme tel, donc celui à qui Allah Azza wa Jal va lui ouvrir sa poitrine l'islam, il va lui ouvrir sa poitrine l'islam, fawa ala nourin min rabbihi, fawa ala nourin min rabbihi, c'est-à-dire il va être sur la lumière de son Seigneur. Wa kana maytan fahyahu Allah, c'est une personne qui était morte, inam. Et ici bien entendu hayatul qalb, la personne qui est loin de la religion, la personne qui ne pratique pas la religion, qui ne prononce pas le dhikr avec sa langue, qui ne pratique pas les prières, etc., qui est loin de la religion, c'est un homme dont son cœur il est mort. Contrairement à celui qui se rapproche d'Allah, celui qui se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, hayatul qalb, c'est la vie du cœur. Inam. Tu vois des gens, ce sont en réalité, lorsqu'on sort dans la rue, on va voir des gens, c'est juste des corps qui marchent. Mais à l'intérieur des corps qui sont morts, totalement morts. Et il va y avoir des gens, des corps qui marchent, comme on peut en voir, alhamdoulilah, mais eux qui ont des cœurs, yani qui sont vivants, car ils se rappellent Allah, car ils sont proches de leur Seigneur, et ils pratiquent la religion, comme il se doit. Taïb. Ensuite, il a cité le shir, ce qu'on a expliqué. Et il nous dit fa anfa'u ma lil khassati wal amma al ilm bima yukhallis an nufus min hadhi al waratat. Ma ma'na al waratat, qui est le pluriel de al warta, et qui est en réalité al halak, à la base qui est le trou profond. C'est le trou profond, c'est un endroit qui est obscur dans la terre, mais ça veut dire ici al warta ou al waratat, ici on veut dire par là al halak, donc la perdition. Tayyib. Donc, le shir, il nous rappelle ici que la personne, pour pouvoir s'écarter de cela, et pour pouvoir donc purifier son cœur, pour pouvoir purifier sa religion de tout ce qui aurait pu rentrer comme innovation, comme shahawat, comme shubuhat, il nous dit, il faut donc qu'il apprenne sa religion. C'est-à-dire qu'il apprenne sa religion auprès de gens qui sont fiables. Al-ilmu. C'est pour ça qu'il dit, ce qui est le plus utile pour que ce soit donc du commun des musulmans, ou alors des al-khawas, c'est-à-dire ceux qui ont étudié, ceux qui ont un niveau dans leur religion, etc., alors ce qui est le plus profitable avant toute chose, c'est la science. C'est-à-dire d'apprendre la religion par la science. Et de savoir donc, bien entendu, de qui on prend cette religion. C'est-à-dire l'apprendre de gens qui sont fiables et qui reviennent, eux, au Coran et à la Sunna, suivant la compréhension des pieux prédécesseurs. Et ensuite, il nous dit « وَوَا اتِّبَعُ السَّيِّئَاتِ الْحَسَنَاتِ وَالْحَسَنَاتُ مَا نَدَبَ اللَّهُ إِلَيْهِ عَلَى لِسَانِ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ مِنَ الْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ وَالصِّفَاتِ إِنْعَمْ. C'est-à-dire donc que la personne, elle a besoin de pratiquer, comme on l'a expliqué, et comme le shir nous l'a rappelé auparavant, et comme il a été cité dans le hadith, elle a besoin donc de faire suivre les bonnes actions, de faire suivre les mauvaises actions par les bonnes actions, afin donc de les effacer. Et parmi, bien entendu, ces bonnes actions, si la personne, elle a de l'ignorance dans sa religion, comment elle va faire partir cette ignorance? Ou alors, c'est là des choses qui sont qu'elle a appris de manière corrompue, ou alors on va dire qu'elle a appris des choses qui ne sont pas correctes. Comment elle va faire partir cela? Par la science, Taïb. Et lorsqu'elle apprend la science de manière correcte, alors à ce moment-là, ça fait partir donc toutes ces mauvaises actions qui ont précédé. Et bien entendu, al-hasanat, c'est tout ce que manadaba, yani ma talaba, c'est tout ce qu'Allah Azza wa Jal il a demandé à sa communauté ou à la communauté de faire, yani par le biais de la langue des envoyés, comme acte, comme comportement et comme caractéristique à avoir. Et si le shir ici, il a cité ce hadith, la sagesse, dans un premier temps, c'est nous en écarter. Il faut nous écarter de ce qui est contenu de blâmable dans ce hadith. Et la deuxième chose, comme on l'a expliqué, c'est qu'il y a bel et bien la présence d'un groupe sauvé, comme on l'a démontré. Ensuite, lorsqu'on a parlé de Ad-Dhunub, donc pour clore ce sous-chapitre, pour clôturer ce sous-chapitre, on va rappeler min afat ad-dhunub, yani les conséquences néfastes des péchés. On va en citer plusieurs. Parmi les conséquences néfastes des péchés, hirmanur risk wal ilm, c'est-à-dire être privé de la science et de la pourvoyance. Inam. Celui qui tombe dans les péchés, qui vit dans les péchés, il est privé de ces deux choses. Il va être privé de la science, il va être privé de quoi? Hatta du risk, de la pourvoyance, subsistance. Naam. Le deuxième point, al-wahsha, c'est-à-dire la mélancolie, la tristesse. Naam. La personne qui vit dans les péchés, c'est ce qu'elle ressent dans son cœur au fond de lui. Elle ne peut pas être heureux. La personne qui vit dans les péchés, elle ne peut pas être heureux. C'est tellement éphémère. Peut-être qu'elle yani yushbi' nafsahu fi hal al-ma'siyah. C'est-à-dire donc qui va assouvir ses désirs. À ce moment où il a assouvi, peut-être qu'il va ressentir une jouissance, mais après cela, ou avant cela. Ya'ish fi, comme on a dit, al-wahsha, c'est-à-dire la mélancolie, la tristesse. Également, ta'sir al-umur, c'est-à-dire donc que ses affaires de tous les jours, elles seront compliquées, elles vont devenir compliquées, la complication dans la vie. Également, dhiq as-sadr, c'est-à-dire donc le retrécissement de la poitrine. La personne, elle sent qu'au fond de lui-même, à force de faire ces péchés-là, de vivre dans ces péchés-là, elle ressent au fond d'elle-même le retrécissement. Bien entendu, c'est des choses que l'on ressent. Le retrécissement de as-sadr, contrairement à celui qui est à l'al-huda ou al-nur, ou à yani sadru al-sharih. Également, wahnul badan, c'est-à-dire l'affaiblissement du corps. Inam, le corps est s'affaiblit avec les péchés. Il ne faut pas croire même que si la personne en apparence elle peut être yani de forte corpulence, etc., les péchés l'affaiblissent. Avec le temps, les péchés elles l'affaiblissent. Yani, il soit touché également par la fainéantise, par l'incapacité de faire beaucoup de choses. Ça également min afat al-dhunub. Également sawad al-wajh, comme l'ont rappelé beaucoup de savants. C'est-à-dire que même certains, ils sont arrivés à un degré de péché que certains, subhanallah, on retrouve donc ce mashada al-wajhi. C'est-à-dire qu'on retrouve un visage qui est noir, qui est noirci par les péchés. Yani, certaines personnes, aller voir, aller regarder, on remarque qu'ils sont et yani, qu'ils vivent dans les péchés. Yani mustariqun bidhunub, wallah musta'an fi dhunub. Demain, sallallahu alayhi wa sallam, hirman al-baraka, également la bénédiction. Cette bénédiction, il ne faut pas s'y attendre lorsque la personne elle vit fi dhunub, la suppression de la bénédiction. Et n'am, même si la personne elle est riche. Combien de gens ils sont riches, ils ont de l'argent, mais diyan, d'abord ils ne sont pas heureux et ils n'ont aucune baraka dans leur fimali. Si des gens ils vivent pour la dunya, yani haris à la dunya, yani tous les jours ils pensent à son commerce, tous les jours ils vivent fil qalaq, yani ma yartah, yani si tout ça, yani tout cet argent et tout ce commerce et tous ces biens qu'il a, ça lui a pas permis d'être yani murtah fi hayati, ayn al faida. Wa kadhalik al ittirab, c'est-à-dire que le comportement de la personne qui vit fil le péché, il est instable. Un jour comme ça, un jour comme ça, un jour comme ça. C'est l'instabilité dans sa vie. C'est quelqu'un qui est instable. Taïb. Ensuite, le shir, il va nous parler maintenant du troisième point qu'on appelle mawani' infad al-wa'id. Qu'est-ce que ça veut dire cela, Akhil Karim? Mawani'u infad al-wa'id. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui empêche la. L'application de la menace d'Allah Azzawajal. Car on sait que celui qui fait un péché ou un grand péché, il est sous la menace d'Allah Azzawajal. Ça, que ce soit dans cette vie d'ici-bas ou alors que ce soit dans l'au-delà. Ou à tahta al-mashia. Tayyib. Et donc, on a besoin d'actes qui vont nous permettre de nous débarrasser de cela. Et c'est pour ça que le shir, il nous dit, donc on a dit, c'est mawani' al-infad. Mawani' infad al-wa'id. Et donc il dit, wa mimma yuzilu mujib al-dhunub. Donc c'est le même sens ici. Wa mimma yuzilu mujib al-dhunub. C'est-à-dire ce qui va annuler, ce qui va dissiper les conséquences des péchés. Et va nous dire donc, al-masa'ibu al-mukaffira. Alors j'ai dit que dans le livre, le shir, il va en rapporter 4. Et quand, en tout, il en a combien ? Nam, il y en a 10. Comme le shir lui-même, il a cité dans Fi Majmu' al-Fatawa. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, on va les citer. On va en profiter pour les citer tous. Donc, le reste, ce sera la wajh al-ikhtisar. Et ici, ce sera détaillé parce que le shir lui-même, il détaille. Donc, qu'est-ce qu'on a vu d'abord ? On en a vu 2. C'est quoi ? At-tawba wa al-istighfar. Maintenant, c'est al-masa'ibu al-mukaffira. Al-masa'ibu al-mukaffira. Il nous dit le shir, wa hiya kullu ma tu'allim na'am min hammin aw huznin aw adhan fi malin aw 'irdin aw jasadin aw ghayri dhalik lakin laysa hadha min fi'l al-'abd. Na'am. C'est-à-dire ici al-masa'ibu al-mukaffira, c'est les épreuves qui vont arriver à l'homme. L'homme, et comme il nous dit hadha laysa hadha min fi'l al-'abd, c'est-à-dire ici toi tu n'as rien à faire. Et ce n'est pas de ton sort. Et c'est en dehors de ta volonté. C'est ce qui va t'arriver comme épreuve dans cette vie d'ici-bas. Sache que toutes les épreuves qui t'arrivent dans cette vie d'ici-bas, elles vont être mukaffira. Elles vont avoir un résultat. Elles ne sont pas là pour rien du tout. Elles vont servir ces épreuves, comme on va le détailler ici, elles vont te servir à dissiper tes péchés. Tes péchés seront dissipés du fait que l'épreuve te touche. Et Ibn Abdel Aziz, il dit dans son livre, Sharh al-Aqid al-Tahawiyya, وَالْمَصَائِبُ نَفْسُهَا مُكَفِّرَةٌ وَبِالصَّبْرَ عَلَيْهَا يُثَابْ الْعَبْدُ وَبِالسَّخَةِ يَأْثَمْ. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire donc que al-masa'ib, les épreuves elles-mêmes, elles sont mukaffira. Les épreuves elles-mêmes, elles sont mukaffira. Yani, elles dissipent les péchés. Qu'est-ce que ça veut dire, elles-mêmes ? Ça veut dire qu'on ne va pas regarder la réaction de l'homme par rapport à ses épreuves. La réaction de l'homme par rapport à ses épreuves, munfasil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un lien entre sa réaction et entre le fait que l'épreuve en elle-même, elle va quoi ? Elle va dissiper les péchés. Et donc, quelle va être la réaction de l'homme ? Il va avoir 3 réactions. Soit, yasrat, c'est-à-dire il se met en colère devant cette épreuve. Soit, yasbir, c'est-à-dire il va patienter devant cette épreuve. Ou soit, et ça c'est encore plus haut, yarda. C'est-à-dire, il va être satisfait de cette épreuve. C'est pour ça que, lorsqu'il a dit, وَبِالصَّبْرِ عَلَيْهَا يُثَابَ الْعَبْدِ, c'est qu'en plus de l'épreuve en elle-même, خلاص, elle a dissipé ton péché. Mais en plus de cela, si maintenant, devant cette épreuve que tu as eue, la perte d'un enfant, etc., on va voir tout ce qui rentre dans les épreuves. On va voir que c'est vraiment général. Même aux petites choses, peut-être qu'on ne penserait pas. Donc cette épreuve, elle t'a dissipé. Mais en plus de cela, si tu as été patient devant cette épreuve, alors tu auras encore un ajr dessus. En plus de la dissipation, tu auras l'ajr. Du fait, ici, c'est quoi ? C'est la récompense de quoi ? De as-sabr. Donc on voit que la réaction de l'homme, elle est ici. Elle est externe, ou alors elle est indépendante de l'épreuve en elle-même. Taïb. Par contre, s'il se met en colère, il n'accepte pas cette épreuve, il se met en colère, alors il y a athem. C'est-à-dire il est dans un péché. Mais le fait qu'il s'est mis en colère ou qu'il n'a pas été à la hauteur devant cette épreuve, qu'il s'est mis en colère, qu'il n'a pas masabara, qu'il n'a pas été patient, ça ne veut pas dire que son péché ne sera pas effacé. Ou alors ses péchés ne seront pas effacés de par donc les conséquences de cette épreuve. Mais il y aura un péché qui va s'ajouter à cela. Yani wadih, il a un péché par rapport à cet acte-là. Mais l'épreuve en elle-même, elle a effacé, elle, peut-être d'autres péchés. Après, ce qui efface, ça, c'est Adam min indillah, taban. Personne ne peut savoir. Mais ici, on rapporte quelles vont être donc les conséquences et quel est le résultat. Taïeb. Donc, il y a des péchés qui vont être effacés par cette musiba, par cette épreuve. Et ensuite, on va regarder la réaction de l'homme. S'il est en colère, et s'il la yasbir, il n'est pas patient, yasam. C'est-à-dire, donc, il prend un péché, mais qui est uniquement la conséquence de sa réaction. Et ici, donc, il va avoir deux maqam, c'est-à-dire deux niveaux. On a dit le niveau al-sabr. Donc, al-sabr, ici, c'est wajib. Yajib alayk an tasbir amam al-fitna, ou amam al-masa'ib. C'est-à-dire, il est obligatoire, hadha al-hukm. Il est obligatoire que tu patientes devant l'épreuve. Ça, c'est une obligation. Donc, si tu délaisses l'obligation, ta'atham. Sah, yani, tu viens dans le péché. Hadha wajib al-sabr. Par contre, il y a un autre niveau, et qui est rida. C'est-à-dire la satisfaction. C'est-à-dire c'est un niveau qui est encore plus élevé que le sabr. Peut-être en toi-même, tu n'es pas satisfait de ce qui est arrivé. Lakin tasbir, lillah azawajal. Et il va arriver pour certaines personnes qui ont une grande foi, qu'ils vont être à un niveau de satisfaction. C'est-à-dire qu'il est satisfait de ce qui lui est arrivé. Yarda bima usib. Ça donc c'est un maqam qui est encore plus élevé que le sabr. Et ça c'est mustahab. Ça c'est mustahab. C'est-à-dire que c'est demandé dans la religion. Mais si la personne n'arrive pas à ce niveau de satisfaction, c'est-à-dire qu'elle est satisfaite dans l'épreuve, alors elle n'aura pas, il n'y aura pas de conséquences contre lui, du point de vue religieux. Et ici on rapporte une parole de certains salafs, il disait, « Laoula masaib dunya, la waradna al-akhira mafaris » C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu, dans cette vie d'ici-bas, les épreuves qui nous ont touchés, on serait arrivé, yom al-qiyama, complètement ruiné. On sera arrivé complètement ruiné s'il n'y avait pas eu toutes ces épreuves qu'on a eues durant cette vie-là. Donc l'épreuve, mon frère, c'est quelque chose qui est utile, qui n'est pas venu en vain. Par rapport à qu'est-ce qu'elles effacent, ces épreuves, et quelles sont ces épreuves, alors ici on rapporte un hadith de Aïcha, muttafaqun alayh, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul, ma min musibatin yusibu al-muslim illa kaffara Allahu bima anhu hatta shawkati yushakuha. Hatta shawkati yushakuha. C'est-à-dire, il n'y a pas une musiba, une petite épreuve. Yani, n'importe quelle épreuve dont le musulman il est atteint sans qu'Allah azawajal quoi yukaffir al-dhunub biha. Yani, yukaffir al-dhunub. C'est-à-dire qu'il expie les péchés. Même jusqu'à la shawka, vous savez donc jusqu'à l'épine. La personne elle se promène, une épine rentre dans son pied ou alors rentre dans son doigt ou etc. Même cette petite épine, ça sert à faire partir les péchés. Comme c'est venu dans ce hadith. Et dans d'autres versions, comme l'a rapporté Abu Huraira ou Abu Sa'id et d'autres, ma min waja'in ou maradin yusib al-mu'min. Et dans d'autres versions, ma min nasabin wala wasabin wala ghammin wala hammin wala haznin. C'est-à-dire que même al-waja', c'est-à-dire al-alam, la maladie que tu as de manière continuelle, elle te fait partir les péchés. De même, al-nasab. Al-nasab, ça c'est al-ta'ab. Ma min nasabin. Al-nasab, c'est al-ta'ab, c'est-à-dire la fatigue. Même la fatigue, elle fait partir les péchés. Allahu Akbar. Et la personne, elle travaille, elle se fatigue pour amener la subsistance, etc. Elle se fatigue, même cette fatigue, yukaffir al-dhunub. Yani al-nasab. Wala wasabin. Al-wasab, yani, comme on a dit, al-waja'. Voilà ghammin, voilà hammin, voilà huznin. Même donc la tristesse et le souci que la personne est là, tout le monde il a des soucis. Ces soucis-là, même ces soucis qu'on ressent, ils nous font partir nos péchés. Et donc, pour ce qui est de al-ham, ça concerne le futur. C'est-à-dire les soucis qu'on a pour le futur. Chaque personne il a des soucis par rapport à ce que va devenir son enfant. Il se fait du souci, il essaye de lui donner une bonne éducation, etc. Tout ça, c'est des soucis. C'est des al-ham. La personne, elle est mahmoum biyadil umur, biyadil dunya. Et bien, ces choses-là, il y a ces sentiments qui sont parfois durs à vivre. Et également le huzn. Le huzn, la tristesse des choses qui sont passées. Ici, c'est pour le passé. Le huzn, c'est pour le passé. La ham, le mustaqbal ou le huzn, c'est pour le passé. Les choses qui sont passées auparavant. Et le shir nous dit donc, hammin, ou huznin, ou adhan, fimarin, ou irdin, c'est-à-dire que ce soit dans tes biens, que tu aies la perte de tes biens, taïb, ou alors la perte même d'un enfant, Wallah musta'an, ou alors la ird, c'est-à-dire ton honneur, que des gens ils ont parlé sur toi, qu'ils ont sali ton honneur, même cela, ce sera une cause que ces péchés seront, tes péchés seront expiés. Ah, ou jasadin, tout ce qui te touche dans le corps, comme maladie, etc. Tout ce qui t'arrive. Et il nous dit donc, cette partie-là, parmi mawani in fadel el wa'id, ça, ça ne fait pas partie de ta, yani de ton acte à toi. Tayyib. Donc ici, on va continuer à citer, on en a cité trois. Le cheikh en a cité trois, il va en citer encore une quatrième, bi'idhnillah. Et donc, nous, on va toutes les citer maintenant. Donc on a dit, al-awwal tawba, al-istighfar, tayyib. Al-hasanatul mahiya. Donc ça en fait c'est la troisième, na'am. Ça c'est la troisième. Et ce qu'il vient de citer ici c'est la quatrième, Arfouane. Donc ici c'est bien la quatrième que le cheikh a cité. Parce qu'il a dit la tawba, il a dit al-istighfar, et il a dit al-a'mal ou al-hasanat al-mahiya. C'est-à-dire les bonnes actions qui effacent les mauvaises actions. Comme il est venu dans le hadith, wa atbi' as-sayyiat al-hasana. Taïb. Donc ça en fait trois. Et la quatrième, donc, c'est Al-Masaib. Al-Masaib Al-Mukaffira. Ça, c'est la quatrième. Donc, ici, il a bien cité les quatre, le shir. Et donc, on va rajouter maintenant six. Donc, Tawba, Al-Istighfar, Al-Hasanatul Mahiya. Al-Mahiya, ma'ana, qui efface. Qui efface. Ensuite, la quatrième, c'est Dua Al-Mu'min Al-Mu'min. L'invocation du musulman pour le musulman. Naam. L'invocation du musulman pour le musulman. Qu'il soit vivant ou qu'il soit mort. Donc, cette invocation, si Allah il l'accepte, ça fait partie des choses qui vont nous permettre à celui pour qui l'invocation a été faite, que les péchés soient expiés. Donc, du'a al-mu'minin il-mu'min. La cinquième, shafa'atun nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa ghayruhu fi ahli al-dhunub, yawm al-qiyama. Également, al-shafa'a, qui est bien entendu un des chapitres que l'on étudie, surtout dans la croyance, Al-Shafa'a, donc l'intercession du prophète Yom al-Qiyama. L'intercession du prophète Yom al-Qiyama, également c'est une chose qui va nous permettre donc l'effacement de nos péchés. Qu'Allah Azzawajal délaisse ses péchés, qu'il n'en tient pas compte fi hisabina, dans notre compte. Et également la Shafa'a, yani des al-Mala'ika, les autres Shafa'a dont Allah Azzawajal va permettre yani à celui qui le méritera, yani shafa'a, c'est-à-dire l'intercession, qui lui permettra donc d'intercéder pour ceux qui méritent l'intercession. Tayyib. Et il y a beaucoup de hadiths qui sont venus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de faire des actions, ou alors a demandé de patienter, afin qu'ils aient le bénéfice. Le bénéfice de quoi? De l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme celui qui patiente à la chaleur et au froid de Médine. Sixième, al-masaib allati yukaffiru Allahu al-khataya fi dunya. Donc celle-là on l'a cité. Naam. Ensuite, la septième, ma ya'malu lil-mayyit min a'mal al-birr. Donc également, on avait fait un cours sur cela et on avait expliqué quels étaient les actes qui étaient légiférés que la personne elle pouvait faire pour celui qui était mort. Donc ici c'est les actes, hein. on n'est pas dans le Ad-du'a, c'est général. Ad-du'a, c'est général et c'est pour al-hayy wa al-mayyit. Ici, c'est plus précis. Ma yu'mal al-mayyit min a'mal al-birr. Ma yu'mal al-mayyit min a'mal al-birr. Comme par exemple, quoi? Naam. Titre d'exemple, al-hajj. La personne peut faire le hajj pour un défunt. Pour son père, il peut le faire un hajj. Donc ça, c'est permis. Et ça va être une cause pour qui le hajj il a été fait, que ses péchés soient effacés. Donc, c'est min al-mukaffirat. Également, min al-mukaffirat, al-hajj. Ou alors, kadhalika sadaqat. Kadhalika sadaqat, etc. Également, donc ça c'est le huitième. Ma yahsul fil qabri min fitna wa adab. Ma yahsul fil qabri min fitna wa amal. Wa adab. C'est-à-dire donc que durant notre passage fi al-hayat al-barzakhia, et qui est donc la tombe, il va avoir une fitna. C'est quoi la fitna? C'est quoi la différence entre la fitna ou l'adab? On a dit al-fitna ou l'adab. Une fitna al-qabr ou min azab al-qabr. Qui c'est qui nous dit quelle est la différence entre la fitna et l'azab? C'est-à-dire entre l'épreuve de la tombe et le châtiment de la tombe. Il y a une épreuve, il y a un châtiment. C'est quoi la différence? Le fitna, c'est sur la terre. Là, là, fil qabr. Nous sommes fil qabr. Inta al-mawdou. Insa al-ard. Anta fil qabr. En fil hayat al-barzakhia. Allah yu'inuna. Qu'est-ce que la fitna et qu'est-ce que. Al-fitna, c'est la su'al, c'est la question à qui tout le monde devra répondre des anges. Ça, c'est le fitna. Et ça va être une grande fitna pour beaucoup. Et le deuxième, c'est, comme dit l'adab, c'est ce qui va arriver comme châtiment après donc cette fitna, ce qui va arriver comme châtiment dans la tombe. Donc c'est la différence qu'il y a entre al-fitna ou l'adab. Ensuite, ahwal yawm al-qiyama wa karbuha wa shada'iduha. C'est-à-dire tout ce qui va arriver durant le jour du jugement. On sait que durant le jour du jugement, il y a des étapes. On va passer sous au-dessus de l'enfer, à titre d'exemple. Ça, ça fait partie de quoi? De tout ce qu'on va vivre. On va attendre Yom El Qiyama dans la sueur. Et tout ce qui va nous arriver durant cette étape-là, après qu'on soit ressuscité, jusqu'à ce que nos comptes soient faits, et que soit on rentre dans le paradis ou soit on rentre dans l'enfer. Allahumma yarzuqna al-jannah. Donc tout cela, ça va nous permettre d'obtenir des dédommagements, yani que nous, ou plutôt que nos péchés soient expiés. Et ensuite, la dixième et la dernière, rahmatullah wa afu. C'est-à-dire donc la miséricorde d'Allah Azzawajal. La miséricorde immense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré tout ce qu'on a cité, cette miséricorde, même sans tout cela, Allah Azzawajal peut pardonner aux croyants. Comme il peut le châtier, il peut lui pardonner. Et tout le monde, il espère cette miséricorde. Donc la dernière et la dixième, min mawani'a, infadil wa'id rahmatullah, wa afu, subhanahu wa ta'ala. Qui c'est qui nous les répète? Qui c'est qui nous les répète? Ils sont écrits en plus, je crois, en français. Mais sans les regarder. Non. Et fadda, non, ma fille mouchkir. Il a dit celui qui va répondre à la question, mais alors maintenant, il ne faut plus regarder. Mais allez, je ne veux plus regarder. Celui qui répond, qui nous apporte les 10 maintenant, il aura droit à un djilbab pour sa femme. Donc il faut qu'il soit marié. S'il n'y a pas de marié, ce n'est pas la peine de lever par la main. Juste pour les mariés. Taïb, qui c'est qui est marié d'abord? Hein? Qui c'est qui a la réponse? Donc, Chartan. Bismillah. Vous n'êtes pas tous des célibataires, Inch'Allah. Hein? Là, là, pas dans l'ordre, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. À la base, il n'y a pas d'ordre, de toute manière. Enam, fadbal. T'es marié d'abord? Ouais. Alhamdulillah. Allah est back. Touba. Istirfa. Les actions qui pardonnent. Les actions qui pardonnent. Naam, naam. الحسنات الماحية. C'est-à-dire les épreuves. المصائب. نعم. المصائب المكفرة. نعم. Ça c'est ce qu'il a cité le Cheikh l'Islam, les quatre. Baqiya maintenant c'est ce qu'on a cité maintenant. Les invocations pour les morts, donc pour les vivants. يعني الدعاء نعم. صحيح. الدعاء المؤمن المؤمنين أو المؤمنين المؤمن. نعم. Même les دعاء que l'imam il fait durant par exemple. Exemple durant Tarawih, etc. Il fait des dua générales pour tous les musulmans. Des actions qu'on peut faire pour le mort, par exemple le hajj. Eh non. A'mal al-birr, non, le mayyit. Yantafi'u bihi. Ensuite, la miséricorde d'Allah. va se passer dans la tombe, fitna et adab. Le fitna ou l'adab qui va se passer durant la tombe. Il n'en reste plus que deux. Le jugement. L'intercession. L'intercession. Le shafa'a. Min al-Nabi. Min al-Haq. Tous ceux qui auront le haq. Ça en fait neuf et le dernier, tu l'avais cité. Le jugement. Qu'est-ce qu'on veut dire par Yom al-Qiyamah? L'attente, c'est qu'on va passer toutes les épreuves qu'il y aura durant le yani ahwal, nous sommes mis à ahwal ou Yom al-Qiyamah. Donc, Inch'Allah, t'as droit au djilbab. Hein. C'est pas moi, j'ai pas la responsabilité. Hein. Alhamdulillah. Allah yuwaffiqou. Et il reste encore des jalabib, mashallah. Khali fi al-ayyam al-muqbila bi'inillah. Naktafi bi'adha, inshallah. Inshallah. Subhanaka wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc pour les cours, je pense qu'encore ça va être au moins jusqu'à jeudi, au moins, inshallah. Parce qu'il reste encore pas mal de points à citer. نعم كيف كلمه السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليك